Des timbres, quatre vignettes, inspirées du contenu et du message de Nouvel An du dirigeant suprême Kim Jong-un, sont éditées par la direction d'édition de timbres d'État. La vignette portant les mots « 2016, année d'événements révolutionnaires et de grands tournants à inscrire dans les annales de notre parti et de notre patrie » souligne que les réalisations de tous les secteurs de la révolution et du développement du pays de l'année passée, marquées du 7e congrès solennel du Parti du Travail de Corée, montrent que l'unité monolithique des militaires et civils et la détermination de se renforcer par soi-même sont la vérité de la révolution Chuché confirmée par 2016. Les vignettes qui portent les mots accéléreront la progression victorieuse du socialisme grâce à la grande force motrice qu'est la détermination de nous renforcer par nous-mêmes et les positions politiques et militaires du socialisme doivent être raffermies encore davantage pour rester un bastion imprenable, montrent les tâches sectorielles de cette année très importantes pour l'accomplissement de la stratégie quinquennale du développement de l'économie nationale et appellent à raffermir davantage l'unité monolithique, héritage révolutionnaire inestimable des grands leaders, et à soulever la campagne de l'accroissement du potentiel militaire en cette année marquée du 85e anniversaire de la fondation de l'armée populaire de Corée. La vignette portant les mots « Implantons dans le parti entier la coutume révolutionnaire de se dépenser sans compter pour le peuple » invite les cadres à devenir serviteurs dévoués et coursiers dévoués du peuple et à réaliser beaucoup plus d'œuvres pour le peuple, fidèles au noble dessein du dirigeant suprême.